Chapitre 11. Le lendemain de l'arrivée de Vermieux à Paris et de sa descente dans la ménagerie, le petit jour trouva debout François Chausserouge et Jean Tabary. Ils avaient passé le reste de la nuit à faire disparaître les traces de leur crime, et rien ne subsistait qui pût faire soupçonner qu'un drame terrible s'était passé dans l'enceinte de la baraque. Les cendres des habits de la victime avaient été dispersées. Les quelques débris d'os qui avaient été recueillis dans les cages avaient été enfouis au pied d'un arbre, dont le sommet traversait la toile. Les taches de sang avaient été effacées. Derrière les barreaux, les animaux repus somnolaient. Après l'orage de la nuit, le vent du nord avait balayé l'horizon et chassé les derniers nuages. Le soleil resplendissait dans un ciel bleu, séchant la terre et donnant à la sève une vigueur nouvelle. Une véritable journée de printemps s'annonçait. François Chausserouge, pâle, les traits tirés par les émotions de la nuit, assistait en silence à ce réveil de la nature. Il se sentait peu à peu revivre. Son courage s'affermissait maintenant qu'il faisait clair, qu'il ne voyait plus danser sur les murailles, à la lueur de la lanterne, l'ombre menaçante du vieil usurier. Jean Tabary était gouailleur, comme d'habitude. La réussite de son plan si rapidement conçu, si heureusement exécuté, l'absence de tout péril le rendait guilleret. À 6 heures du matin, la ménagerie était nette et luisante de propreté. Tout était en ordre. Tout de même, dit-il, il faut avouer à quelque chose malheur et bon. Si la misère ne t'avait pas contraint de renvoyer récemment la moitié de ton personnel, nous aurions eu le veilleur, le garçon de piste, qui couche habituellement ici, et alors pas moyen de nous débarrasser de l'autre. Mais les autres employés qui couchent dehors et qui viendront tout à l'heure pour le ménage des bêtes, ça ne leur paraîtra pas louche de trouver leur travail fait. « Ça, j'en fais mon affaire, » répliqua Jean Tabary. « En attendant, je te conseille de te débarbouiller un peu. C'est inouï ce que tu as une sale tête. » Chausserouge était en train de faire ses ablutions dans un seau d'eau quand les employés arrivèrent. Jean Tabary les réunit autour de lui. « Il y a longtemps, déclara-t-il, que je me plains du travail. Tous les jours, quand nous descendons à la ménagerie, nous trouvons sans cesse quelque chose à redire. Aujourd'hui, nous avons voulu vous montrer l'exemple. » Voilà comment je veux voir tous les matins la besogne faite. Examinez-moi ça, et tenez-vous-le pour dit. » Puis il rejoignit Chausserouge, et l'entraîna chez le prochain marchand de vin. À part deux cochers qui buvaient au comptoir un verre de marc, la boutique était déserte. Ils purent s'attabler dans un coin et causer tranquillement. « Ce n'est pas tout ça, dit le dompteur, mais maintenant que nous avons de l'argent, comment expliquer cette fortune subite à Louise, pour qu'elle n'ait pas de soupçons ?» Jean Tabary haussa les épaules. « Ce sera bien simple. Tout à l'heure, quand nous aurons fini de boire notre verre de snitch, nous allons rentrer à la caravane, et nous lui raconterons tout bonnement la chose. » François Chausserouge sursauta en devenant subitement très pâle. « Lui, avouer le crime, tu es fou. »« Tiens, c'est toi qui es fou, » riposta tranquillement Jean. « Mais, continua le dompteur, j'aime Louise, elle aussi elle-même. Elle ne voudra plus me voir, je lui ferai horreur. Quand elle saura ce que j'ai fait, quand elle saura que je suis un assassin. » Jean Tabary lui mit brusquement la main sur le bras. « Oh, mon vieux, pas d'histoire. Si tu veux bien, et surtout pas de gros mots, nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons fait ce que nous devions, et ce qui nous a convenu. Il ne s'agit pas d'avoir des regrets, puisqu'aussi bien il serait trop tard. En ce qui concerne Louise, tu me fais l'effet de ne pas la connaître. C'est une femme qui a les idées larges, et une femme sûre dont la vie sera précieuse en la circonstance. « Maintenant que nous avons gagné la partie, nous ne pourrions nous perdre qu'en commettant une imprudence. Elle est de bons conseils, et si nous l'écoutons, elle qui est désintéressée dans la question et qui, par conséquent, envisagera la situation plus nettement que nous ne saurions le faire, nous sommes sûrs de ne jamais nous trahir ni être trahis. Tu es sûr qu'elle ne s'indignera pas ? Elle nous aurait encouragés dans notre entreprise si elle eût pu la prévoir. « Eh bien, j'aime mieux ça, » prononça Chausserouge. Que l'idée de trouver dans sa maîtresse une alliée ragardissait. Il aurait moins honte devant elle, et aussi moins peur. Il se souvenait des angoisses de la nuit terrible. Tant que le soleil n'était pas venu chasser l'obscurité, il redoutait de voir disparaître de nouveau l'astre brillant. Peut-être avec l'ombre, cette erreur renaîtrait-elle, et eût-il pu les cacher à Louise, dont il partageait la couche. Au contraire, l'aveu que tous les deux projetaient de faire la rendait complice. Elle serait là à toute heure pour le réconforter, chasser les fantômes imaginaires qu'il avait vus se dresser devant lui, et qui, peut-être, reviendraient troubler son sommeil. il lui semblait que la part de responsabilité qu'assumerait sur sa tête Louise Tabary en acceptant la confidence du crime diminuerait d'autant la sienne. Et il ne put se tenir de répéter encore « Eh bien oui, j'aime mieux ça ». Il se leva, appela le garçon et régla la consommation, voulant partir tout de suite. « Oh, oh, comme tu es pressé !» dit Jean, en riant de cette hâte subite. « Oui, finissons-en. Ce sera un poids de moins. Comme ça, après, il n'en sera plus question. » Quand ils arrivèrent à la caravane, Louise Tabary était levée. Déjà très étonnée de n'avoir pas vu rentrer Chausse-Rouge, de n'avoir pas rencontré son fils, elle était descendue à la ménagerie pour demander des nouvelles. Peut-être un nouvel accident était-il survenu, qui avait nécessité leur présence toute la nuit. Alors pourquoi ne l'avait-on pas prévenu? On l'avait rassuré tout de même. Les employés, à leur arrivée, avaient trouvé le patron et Jean en train de nettoyer la ménagerie. Tous deux venaient de sortir. Assurément, ils ne devaient pas être loin. « Ah, vous voilà les jolis vadrouilleurs » cria-t-elle en les apercevant. « Ce n'est pas malheureux. Ce que j'étais inquiète toute la nuit. Où diable avez-vous passé votre jeunesse? En voilà une conduite !»« Ferme la porte, » dit Jean sans répondre, et en s'asseyant près de la table. « Nous avons à parler sérieusement. » Et quand elle eut obéi, « Maintenant, prends un siège et écoute-nous tranquillement. » Il tira de sa poche son portefeuille, étala sur la table les billets de banque qui représentaient sa part, puis « Nous avons fait, dit-il cette nuit, une excellente opération commerciale. Tout ceci est à moi, Chausse-Rouge en a autant. Voilà de quoi nous remettre à flot. » Louise Tabary devint subitement très sérieuse. Tour à tour, elle considéra son fils, puis le dompteur, comme pour lire dans leur regard. Tous deux restèrent impassibles. Enfin, elle passa sa main sur son front, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Mais, demanda-t-elle, serait-ce encore Vermieux ?»« Vermieux est mort, » dit froidement Jean Tabary. Et il ajouta avec un rire gouailleur, « Mort et enterré. »« Je ne comprends pas, » dit Louise Tabary. « Alors, vous l'avez... »« Nous l'avons tué simplement, » déclara le jeune homme. Et sans se départir de son calme, il compta la nuit passée dans la ménagerie, n'omettant aucun détail. L'arrivée de l'usurier venant de la gare de Lyon et s'abritant dans l'établissement, l'idée subite qui avait frappé les deux complices, et la façon dont il l'avait mise à exécution, les terreurs inutiles de Chausse-Rouge, enfin la réussite complète du plan qui avait été conçu. Le dompteur ne perdait pas de vue le visage de sa maîtresse, cherchant à deviner les sentiments que faisait naître en elle le terrible récit, s'attendant peut-être à une explosion d'indignation. Il lui sembla qu'on lui enlevait un poids quand il entendit Louise demander tranquillement « Au moins, êtes-vous sûr que nulle part la présence de Vermieux n'a été signalée avant son arrivée à la ménagerie ?»« Parbleu, » dit Jean, « et c'est lui-même qui a pris soin de nous renseigner. Il n'a pas vu une arme depuis la gare de Lyon, où, comme toujours, il était arrivé à l'improviste, sans avoir annoncé à personne son retour. « Eh bien, mes enfants, vous avez bien travaillé, et je vous en fais mon compliment, » proclama la mégère. « Alors, bien sûr, » insista Chausse-Rouge, « tu ne nous en veux pas. J'avais peur que l'acte que nous avons commis ne t'inspirât une telle horreur. » « Je pense que tu es fou, » riposta Louise. « Ne t'ai-je pas dit l'autre jour que je me creusais la tête pour trouver une façon d'estomper ce vieux Grigou? Qui n'a pas craint, lui, de nous dévaliser? J'avoue que je n'aurais jamais osé vous conseiller un moyen aussi radical. Mais puisque l'occasion s'en est présentée et que vous l'avez saisie, je ne puis que vous féliciter hautement. Je n'appelle pas ça un crime, j'appelle ça une bonne action. Vous avez fait expier en une seule fois à ce vieux brigand toutes ses canailleries passées. Vous avez en même temps que les vôtres payé les dettes du voyage tout entier. Ce sont les confrères qui vont être épatés de ne pas voir appliquer Vermieux avec sa sacoche. » Et Louise ne put s'empêcher d'éclater de rire. « Tiens, vois-tu, » continua-t-elle en prenant la main de Chausse-Rouge, qu'elle attira près d'elle, « bien souvent tu as manqué d'énergie. Mais l'acte de courage de cette nuit me fait tout oublier. Je t'aimerais rien que pour ça. » « Merci, » dit le dompteur, « à mon tour de te dire ce que nous avons décidé, Jean et moi. » À partir d'aujourd'hui, nous nous associons, tout en restant maître de la plus grande part de la ménagerie, puisque mon apport est plus considérable, je prends officiellement ton fils avec moi. Nous régulariserons notre situation en passant un acte devant notaire, dès que la prudence nous permettra d'y songer. Il faut laisser passer un peu d'eau sous le pont, mais c'est dès à présent chose convenue. Alors, tous les bonheurs, le même jour, plus de dettes, de l'argent, mon fils établit définitivement, devenant patron. C'est à toi que je dois ça. Je ne t'en remercierai jamais assez. » Elle saisit son amant par le cou et l'embrassa sur les deux joues. « Maintenant, secoue-moi cet air d'enterrement. Un bon dîner par là-dessus et il n'y paraîtra plus. » puis comme si un soupçon nouveau lui traversait la cervelle. « Vous êtes bien sûr qu'il n'y avait personne dans la ménagerie quand vous avez fait le coup ? Pas de veilleur, personne ?»« Voyons, nous ne sommes pas des enfants, » dit Jean, en haussant les épaules. « On n'a rien entendu du dehors ? Allons donc, il faisait un orage du tonnerre de Dieu. Le tonnerre, les éclairs, tout le diable et son train. Je te dis que tout le monde était d'accord, jusqu'aux bêtes qui réclamaient de la pâture. Il fallait qu'il y passe. Sa dernière heure avait sonné. Ce n'est pas notre faute. Nous n'avons été que des instruments. » « Qui ont obéi à la destinée ?» dit le superstitieux Chausse-Rouge, heureux de trouver dans l'argumentation de son complice une excuse propre à calmer le cri de sa conscience. Puis, comme l'heure du repas approchait, « Maintenant, les enfants, vous savez, assez causé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Il ne s'est rien passé, et nous ne savons rien. » Elle se pencha hors de la caravane et appela. « Fatma, dis à Zézette de venir déjeuner. » Fatma, une belle fille brune de 20 ans environ, sortit de la tente qui avoisinait la caravane. « Mam Tabari, dit-elle, je sais pas ce qu'est là, Zézette. Elle est toute drôle ce matin. »« Elle est malade ?» demanda le dompteur vivement. « Je ne sais pas. Elle est couchée. Elle ne se plaint pas. Et elle a les yeux grands ouverts. » Chausse-Rouge descendit et entra dans la tente. La petite fille reposait sur le lit de camp qu'on lui dressait chaque soir, depuis que son père avait élu domicile chez Louise Tabari, à côté de ceux de Fatma et de deux autres pensionnaires de l'entresort. Elle avait le visage empourpré, les yeux cernés, les mains brûlantes. À l'aspect de son père, son regard se mouilla, tandis que ses traits se contractaient. Sans doute la vue de son père renouvelait en elle les émotions qu'elle avait ressenties durant la terrible veille, car un tremblement convulsif secoua tout son corps. Chausse-Rouge s'était assis, très tendre et très caressant, auprès de sa petite fille. Il lui tâta le pouls qui lui parut agité. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda-t-il. « Voyons, ma petite Zézette. » Elle regarda fixement son père, comme pour se demander si elle n'avait pas été l'objet d'un cauchemar, d'une hallucination effroyable. Cet homme si bon, si doux, était-il bien le même qu'elle avait vu la nuit précédente, distribuant à ses bêtes des lambeaux de chair humaine ? Elle avait envie de lui crier. « Dis, n'est-ce pas ? Dis que j'ai rêvé, tu n'es pas un assassin ?» Mais elle se compta et balbutia. « J'ai eu peur cette nuit. »« Cette nuit, » dit Chausse-Rouge, dont les sourcils se froncèrent. « Peur de quoi ?» Elle fit un effort sur elle-même. « J'ai eu peur de l'orage. » Au ton dont son père venait de lui poser cette dernière question, elle venait de comprendre qu'elle ne s'était point trompée. Un travail s'opéra dans son cerveau. Elle avait surpris un secret qu'elle ne devait pas connaître, un secret qui mettait dans sa main et la vie et l'honneur de son père. Et qui sait ? Peut-être François n'était-il si tendre avec elle que parce qu'il se doutait. Peut-être était-ce une feinte et voulait-il s'assurer qu'elle, Zézette, n'avait rien vu, rien entendu. Si elle laissait entendre qu'elle savait, à quel danger ne s'exposait-elle pas ? Un homme qui n'hésite pas à tuer n'hésiterait peut-être pas à se débarrasser de l'unique témoin de son crime. Et une terreur instinctive la fit mentir, lui suggéra une fable qu'elle débita d'une voix haletante entrecoupée. « Voilà, je t'ai désobéi. Quand tu m'as dit d'aller me coucher, je suis rentré dans la tente. Fatma et les deux autres, qui n'avaient pas travaillé, étaient déjà couchés. Quand j'ai vu qu'elle dormait, je suis ressorti. J'ai pensé que malgré la pluie, il y avait peut-être une dernière représentation chez Decker, où on joue au pot d'âne. J'avais envie de voir. J'ai profité d'un moment où ça tombait moins fort, et j'ai couru près des colonnes de la place du trône, où Decker est installé, mais c'était fermé. Alors j'ai voulu revenir, mais le tonnerre s'est mis à gronder. J'ai eu peur et je me suis caché derrière un tour de toile. J'étais mouillé. J'ai eu froid. Quand je suis rentré et que je me suis mis au lit, je grelottais, et je n'ai pas dormi de la nuit, voilà. » Chausse-Rouge poussa un soupir de soulagement. La petite ne savait rien. « C'est comme cela qu'on attrape du mal, » dit-il d'un ton fâché. « Tu vas te tenir chaudement. On va te faire de la tisane et demain, il n'y paraîtra plus. Voilà ce que c'est que de désobéir à son père. » Et il s'éloigna après avoir embrassé sa fille, qui ne lui rendit pas son baiser. « Eh bien, quoi de nouveau ?» demanda Louise Tabari en le voyant rentrer. « Oh, rien de grave. La petite a pris froid cette nuit, et ce matin, elle a un peu de fièvre nerveuse. C'est tout le tempérament de sa mère, cette sacrée gamine. La moindre imprudence la flanque par terre. » La vérité était que, depuis la mort d'Amélie, Zézette, habituée aux câlineries de la jeune femme, n'avait pu prendre son parti de l'abandon dans lequel la laissait son père. Afin de ne pas la laisser seule dans la caravane que Chausse-Rouge désertait chaque nuit, on avait imaginé d'établir son lit dans la tente des pensionnaires de l'entresort, qui étaient censés veiller sur elle. Mais elle avait à souffrir d'un isolement encore plus pénible. Les trois femmes ne couchaient jamais dans la tente. Elles guettaient le moment où Louise rentrait dans sa caravane, et sûre dès lors de ne pas être surprise, elle se glissait sans bruit hors de la tente et courait rejoindre, dans les hôtels du voisinage, l'amant en titre ou l'amant de rencontre que leur avait fourni dans la journée le hasard des représentations. Tout d'abord, elles avaient été gênées par la présence de l'enfant. Mais Fatma, qui par ses prévenances avait conquis dès l'abord le cœur de Zézette, s'était assurée de son silence, et bientôt elles avaient pu continuer leurs expéditions nocturnes. Zézette d'ailleurs trouvait son compte dans cet arrangement. Négligée par son père, elle avait reporté sur ses bêtes toute l'affection dont elle était capable. Une fois seule, elle se levait à son tour, parvenait en talonnant jusqu'à la ménagerie, dans laquelle elle s'introduisait en passant par-dessous le tour de toile, et elle allait se blottir jusqu'au matin dans un petit nid, au milieu du fourrage, à deux pas de l'étourdi, son poney. Mirza, qui la reconnaissait, n'aboyait pas, et venait au contraire passer sa langue sur son visage. La laine chaude du cheval venait la caresser, et elle s'endormait paisiblement, heureuse, sans peur, au milieu de ses bêtes. Parfois, un rugissement la réveillait. Les yeux fermés, ses lèvres murmuraient le nom de la bête, qu'elle reconnaissait au son de sa voix. « Tiens, Rachel qui ne dort pas !» Et elle reprenait son sommeil à peine interrompu. Chaque nuit, depuis que le veilleur avait été supprimé, elle répétait le même manège, ne regagnant la tente qu'à l'heure précise où les employés allaient arriver pour nettoyer la ménagerie et préparer la représentation. Ses compagnes, rentrant quelques instants plus tard, la trouvaient reposant très calme, dans son petit lit et prête à se lever. Ses escapades étaient pour elle pleines de charme. La ménagerie, c'était sa raison d'être. Toutes les bêtes étaient ses amies. Elle respirait avec délice la senteur du foin au milieu duquel elle s'enfouissait l'odeur âcre des fauves. Elle était là dans son élément. Là, elle oubliait tout, sa mère morte, ses chagrins de petite fille. La nuit du crime, pendant que le service était terminé, elle était venue s'installer à sa place accoutumée, au moment même où, dans sa caravane, le dompteur, aidé de ce complice, dépouillait Vermieux après l'avoir assassiné. Elle n'avait rien entendu, aucun bruit, que les éclats de la foudre qui tenait sans relâche. Elle avait fermé les yeux. Puis, tout à coup, un son de voile l'avait éveillée et une lueur tremblante avait attiré son attention. Soulevée sur un coudre, elle avait alors vu Jean Tabary et son père poussant l'étal sur lequel gisaient épars des membres humains, qu'ils distribuaient aux animaux. Terrifiée par ce spectacle, elle avait été sur le point de pousser un cri. Ce cri s'était étranglé dans sa gorge. À chaque pas qu'il faisait, les deux hommes se rapprochaient d'elle. Et voilà que tout à coup, au moment où ils étaient parvenus à 5 pas du fenil, en face de la cage de Néron, elle avait vu jeter à l'animal une cuisse décharnée, une cuisse humaine. Puis la fourche de fer de Jean Tabary avait piqué sur l'étal un nouveau morceau, et elle avait reconnu la face sanguinolente de Vermieux. C'était le vieil usurier que les deux hommes avaient tué, et qu'ils avaient dépecé avant de le distribuer aux bêtes. Cette fois, son effroi avait surpassé ses forces. Ses yeux s'étaient voilés et elle était tombée sans connaissance au fond de petit nid qu'elle s'était ménagé. Quand elle revint à elle, ranimée par la laine chaude du poney, qui promenait son nez sur le visage glacé de sa petite maîtresse, le jour allait poindre. Elle rassembla ses esprits, frémit au souvenir du spectacle auquel elle avait assisté, bien involontairement, crut un instant avoir rêvé, mais la présence des deux hommes qu'elle vit à l'autre bout de la ménagerie, occupée à un travail dont elle ne put se rendre compte à cause de l'éloignement, la convainquit qu'elle ne s'était pas trompée. Elle n'eut plus qu'une idée, se sauver et regagner la tente sans qu'on la vît. Et elle y parvint en profitant d'un moment où son père et Jean Tabary procédaient toujours à l'aide de leur lanterne au nettoyage de la cage extrême occupée par les tigres. Elle ne respira à l'aise que lorsqu'elle se sentit étendue entre les draps de son lit de camp. Mais sous le coup de la réaction qui s'opéra en elle, une fièvre la saisit, qui ne la quitta plus jusqu'alors où son père vint prendre de ses nouvelles. Toutefois, et en dépit des recommandations de François, elle se leva dans l'après-midi. Comme si la nature entière se réjouissait de la disparition de l'usurier, un soleil splendide fit affluer le public sur le champ de foire. On eût dit que le hasard taquin avait renoncé à tenir rigueur aux forains. Maintenant qu'à leur insu, ils n'étaient plus sous le coup d'un remboursement qui leur eût été la veille impossible d'effectuer. Jamais, depuis 8 jours, on n'avait vu pareille affluence de monde, même le jour de Pâques. Jamais on n'avait réalisé d'aussi belles recettes. Cette circonstance inspira à Jean Tabary quelques réflexions philosophiques. « Dire que si nous avions eu ce temps-là hier, murmura-t-il à l'oreille de Chausse-Rouge, Vermieux serait encore en vie. Demain, nous aboulerions les 300 francs que nous gagnerons peut-être aujourd'hui, et nous serions moins riches. Moi de 12 000 francs, toi de la même somme, et tes dettes en plus. À quoi tient la vie d'un homme tout de même? À un orage. Tu avais raison, il n'y a pas à dire, c'est la destinée. Mais le dompteur n'était pas en train de philosopher. À mesure que l'heure s'avançait, une sorte d'inquiétude intime, sinon de peur, et qu'il n'avait jamais éprouvé avant d'entrer dans les cages, l'étreignait et le rendait nerveux. Quand, après le déjeuner, il descendit dans la ménagerie et qu'il passa devant les cages, il se sentit agité par un petit frémissement. Il éprouvait un sentiment bizarre, tel qu'il n'en avait jamais ressenti en face de ses pensionnaires, une sorte de crainte superstitieuse qu'il ne s'expliquait pas. Invinciblement, et quelque effort qu'il fît pour la chasser, la vision obsédante de la scène de la nuit revenait devant ses yeux. Sur l'étal, il revoyait les membres pantelants de Vermieux, et dans le regard de ces bêtes qui avaient dévoré le corps de l'usurier, il lui semblait retrouver le regard de la victime. Au moment d'entrer dans les cages, une terreur nouvelle l'envahit. La vieille tradition des dompteurs lui revint en mémoire. La chair humaine avait un goût, et quand les animaux en avaient mangé une fois... Et ce tabaret qui avait passé outre, qui avait défié la légende, en donnant aux plus redoutables des fauves, aux plus difficiles à manier, les plus gros morceaux. Avant de frapper les trois coups, il hésita. Mais il songea que de l'autre côté de la cloison qui le séparait des cages, tout un public attendait, un public comme il était déshabitué d'en voir à la ménagerie. L'amour-propre finit par dominer l'effroi, et bien que le front baigné de sueur, il fit effort sur lui-même, et il heurta la porte du pommeau de son fouet. « Passez !» cria de l'extérieur Jean Tabary. Il entra et se trouva en face de ces deux lionnes sauteuses. Rien d'insolite dans l'attitude de ces deux bêtes. Alors, subitement, il recouvra son sang-froid. Il eut honte de lui-même, et comme pour se punir de son instant de faiblesse, il redoubla d'audace. Bien que les lionnes fussent dociles, il se montra brutal, les pourchassa à coups de fouet, les foya impitoyablement, trouvant une sorte de plaisir âcre à se venger sur elles de sa peur. Et les exercices succédaient. Tous ses pensionnaires défilèrent devant lui, menés rondement, manœuvrés avec une vigueur et une témérité à laquelle il ne les avait pas habitués. Et le public, enthousiasmé par cette furia, dont il ne pouvait pas soupçonner le mobile, acclamait le dompteur à chacune de ses entrées de cage. Énervé par la lutte et excité par les applaudissements, Chausserouge accomplit des prodiges. Il lui vint subitement en tête de nouvelles idées, qu'il eut la fantaisie de mettre immédiatement en pratique, et sa volonté réduisait les animaux affolés à une obéissance qu'il n'avait jamais obtenue jusqu'ici. Jean Tabary suivait d'un œil étonné les péripéties émouvantes de ce duel. « Bah, attends, pensait-il, le patron est nerveux. C'est l'affaire d'hier qui lui a secoué le sang. Mais quel succès !» Il eut un petit entracte avant le dernier numéro. François devait terminer la représentation par les exercices habituels de Néron, le grand lion à crinière noire, dont l'âge avait fait le pensionnaire le plus redoutable de la ménagerie. Pendant qu'on sablait à nouveau la cage centrale, Tabary rejoignit le dompteur dans le réduit où il attendait que tout fût préparé et qu'on eût introduit l'animal. François Chausserouge, l'œil fiévreux, épongeait son front baigné de sueur. « Eh bien, lui dit Jean, tu vas bien quand tu t'y mets, mais tu sais, sois prudent tout de même, avec Néron, il n'entend pas la plaisanterie. »« Ne t'occupe pas de ça, » riposta le dompteur d'un ton saccadé. « Il faudra qu'il marche, comme les autres. » Un instant après, il se trouva face à face avec le lion. Mais Néron était aussi dans ses heures de lubie. Il montra une indocilité qui exaspéra la nervosité de Chausserouge. Ne pouvant contraindre l'animal à l'obéissance par ses moyens habituels, Chausserouge s'arma de sa fourche, marcha au-devant du fauve, qui tapit dans un coin les oreilles basses et grondant la colère, le couvait sournoisement du regard, et il s'acharna sur lui. Vaincu par la douleur, fasciné par l'œil brillant de son dompteur, Néron bondit, sauta, lança des coups de patte qu'esquivait à chaque coup Chausserouge, en rejetant le haut de son corps en arrière. À chaque audace nouvelle, à chaque attaque parée, le public que passionnait cette lutte applaudissait. Enfin épuisé, haletant, après avoir successivement accompli toute la série de ses exercices habituels, le lion s'accula dans un angle, le poil hérissé, la gueule sanglante. Alors Chausserouge s'avança au bord de la cage, salua la foule, puis rejetant son fouet et sa fourche, il s'approcha de Néron, saisit de ses deux mains les mâchoires puissantes de son adversaire, et se penchant en avant, il introduisit la moitié de sa tête dans la gueule béante du monstre. Un cri d'effroi retentit dans l'assistance devant cet acte inouï de témérité. Tout à coup, le dompteur se sentit pris comme dans un étau. Les mâchoires de la bête, détendues par son effort, se refermaient progressivement. Les crocs s'enfonçaient, comprimaient les os du crâne. Son corps eut un brusque ressaut en arrière, mais impossible d'échapper à l'implacable étreinte. Dans cette seconde suprême, Chausserouge eut la conscience qu'il était perdu. Il fit appel à toutes ses forces, poussa un cri étouffé « À moi, Jean !» Puis, de ses doigts nerveux, dont l'imminence du danger triplait la puissance, il serra à l'étouffer la gorge du monstre. Par bonheur, Jean Tabary, qui redoutait une catastrophe depuis le commencement de cette extraordinaire séance, se tenant prêt à porter secours à son associé, avait gardé à portée de sa main une barre longue et aiguë. Il emporta à travers les barreaux un coup terrible dans les flancs du lion, qui entr'ouvrit la gueule, et Chausserouge, profitant de ce mouvement, se redressa d'un coup de rein. Les crocs avaient creusé de chaque côté de sa face de larges sillons. Bien qu'aveuglé par le sang, méconnaissable, il s'était aussitôt penché, rapide comme l'éclair, avait ramassé sa fourche, et de nouveau, avec rage, il était revenu à la charge. Le public, debout, massé devant la cage, épouvanté, poussait des cris d'effroi. En vain, Tabary continuait à harceler la bête pour l'empêcher de se ruer sur son dompteur, et il clamait de toute sa force « en arrière, sors, on va t'ouvrir !» Chausserouge n'entendait rien. Il frappait en aveugle, trouant chaque coup la peau du fauve. Hurlant de douleur, affolé à son tour, rendu furieux par la souffrance, saignant de toutes parts, le lion bondissait, s'écrasant la tête contre les barreaux. François, sans relâche, poursuivait son œuvre de vengeance, cognant au hasard comme un fou. Tout à coup, Néron poussa un rugissement formidable, s'enleva des quatre pattes et retomba comme une masse, la langue pendante. La fourche poussée d'une main ferme s'était enfoncée tout entière dans son côté. Ce fut alors un spectacle horrible. Comme s'il voulait le clouer vivant au plancher de la cage, sans se soucier des coups de griffe que l'animal lançait dans le vide, le dompteur s'acharnait sur son pensionnaire.